dans un père. C'est Oli. O-L-I. La Bible des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, c'est Marie-Pierre Plonchon. Et moi, Charline. Et moi, Nicole. Nous allons vous raconter l'histoire de Jeannette et les fées du temps qu'il fait. À peine Jeannette sut-elle marcher, qu'elle aima regarder le ciel à la nuit tombée et voir apparaître les étoiles. Dès qu'elle sut parler, elle adora dire à son premier quartier « la lune ». Et quand elle se lève aux aurores, elle n'a qu'une hâte, aller scruter le ciel et voir le soleil se lever. Oh, c'est joli. Faut dire que Jeannette a habité le pays où le ciel est toujours bleu. Mais depuis son arrivée dans sa nouvelle maison du Nord, le ciel est désespérément de la même couleur. Gris, gris, comme disait sa mamie. Ce matin, Jeannette se dit que peut-être enfin ça va changer. Alors elle va vite soulever les rideaux avec une lumière d'espoir dans le regard. Mais non, zut de zut, une fois encore, il fait gris, gris. Jeannette est vraiment très, très inquiète. « Oh non, ce n'est pas possible, je ne reverrai jamais le soleil », se dit-elle. Jeannette devient alors songeuse et se souvient du bleu du ciel. Une couleur et des mots qui lui rappellent de beaux moments, mais qui n'existent plus que dans le passé. « Dis soleil, quand reviendras-tu » Préoccupés par l'installation et l'organisation de leur nouvelle vie, les parents de Jeannette ne sont pas attentifs aux tourments de leur fille, si sensible à l'air du temps. Alors, voyant cette petite Jeannette bien désemparée et perdue dans les caprices du temps, les fées du temps qu'il fait décident de prendre les choses en main et de se réunir pour discuter de la situation. Il est temps d'intervenir au plus vite. Pendant le conciliabule, les fées du temps qu'il fait réalisent qu'il n'y a pas une minute à perdre et qu'il faut envoyer dès maintenant une émissaire pour réconforter la petite et lui expliquer la raison de ce ciel si nuageux et déprimant. La fée Charline, la fée des nuages moqueurs, est la première à se lancer dans cette aventure qui s'annonce bien délicate. Coucou, ma petite Jeannette! Surprise, Jeannette se retourne et aperçoit la fée Charline enchevêtrée dans de gros nuages qui se jouent d'elle et prennent un malin plaisir à la déstabiliser. Ils sont bien trop grands pour cette fée, pense Jeannette en souriant. Bonjour, la fée des nuages moqueurs, dit la petite fille impressionnée par cette visite. Je suis envoyée pour t'aider à mettre de la lumière et du soleil dans ta vie et t'aider à sortir de ta tristesse. Nous, les fées du temps qu'il fait, nous avons observé que tu étais bien trop triste. Et notre mission est de t'apprendre à aimer la pluie et le vent, comme tu adores le soleil et les étoiles. Car tu sais, chaque chose a sa raison d'être. Oui, mais quand j'étais dans mon ancienne maison, je pouvais voir le soleil dès mon réveil. Tu vois, nous sommes arrivés il y a plus d'une semaine et je n'ai toujours pas vu de ciel bleu. Jeannette trépigne et s'exclame. J'en ai marre, marre, marre. Tu sais, chaque région a un climat différent. Et ici, le ciel est gris. Il est chez lui. Mais regarde bien. La fée des nuages moqueurs fait glisser le rideau sur le côté. Ne vois-tu pas que ce n'est pas partout le même gris? Il y a aussi de gros nuages blancs boursouflés qu'on appelle cumulus. La fée prend alors sa baguette magique et transforme les nuages en cumulonimbus. Oh, waouh, ils sont encore plus gros. C'est comme du coton. Oh, on dirait qu'ils vont éclater, s'exclame Jeannette. Regarde bien, on va s'amuser. Les nuages deviennent de plus en plus gros. Tu vois, ces nuages font comme toi quand tu retiens tes émotions de colère ou de joie. Tu retiens à l'intérieur de toi. Et quand tu n'en peux plus, soit tu finis par exploser de rage, soit au contraire, tu es joyeuse et tu sautes de joie. Eh bien les nuages, c'est pareil. Ils grossissent, grossissent. Et quand ils n'en peuvent plus, ils finissent par crever. Regarde. Alors que les cumulonimbus deviennent énormes, la fée reprend sa baguette magique et ordonne aux nuages de lâcher une averse sur une méchante dame qui est en train de taper son chien. La pluie se met alors à tomber très fort et arrête net la méchante dame, qui d'un coup est toute mouillée et décide de rentrer très vite chez elle au lieu de continuer sa promenade et de s'acharner sur son caniche. trop drôle, rigole Jeannette. Tant pis pour elle, elle est trop méchante. La fée Charline est aux anges de voir la petite fille rire enfin aux éclats. Mais ce plaisir n'est que de courte durée, car Jeannette reprend immédiatement sa petite mine tristounette. Oui, mais moi, je veux voir le soleil et les étoiles. La fée des nuages moqueurs se trouve alors un peu désemparée et se dit que la petite a un sacré caractère quand même. À ce moment-là, la fée Nicole, la fée de la pluie qui chante, comprend que sa consœur a besoin d'un bon coup de main. Alors elle s'élance à la rescousse de la fée Charline. Laisse-moi faire, consœur, j'ai plus d'un tour dans ma besace. Elle se met à fredonner. Toute la pluie tombe sur moi. Yati tari tara tara ra di ra ra cha para piru di ru ra. La la la la la la la la la la la. Il pleut, non ? En entendant la chanson, Jeannette se retourne et voit la fée de la pluie qui chante, habillée de bottes en caoutchouc rose fuchsia imprimées de fleurs des champs. « Oh, mais qui es-tu ? » demande la petite fille. « Moi, je suis la fée de la pluie qui chante et complice de la fée des nuages moqueurs. Jeannette, il faut que je te dise un grand, grand secret. La terre, les plantes, les arbres et les êtres humains ont besoin de l'eau, du vent et de l'air autant que du soleil. Quand le soleil se met à briller, l'eau s'évapore et monte dans le ciel, et tout là-haut, comme il fait de plus en plus froid, cette vapeur d'eau se transforme en petites gouttelettes. Et elles sont si légères qu'elles volent et restent suspendues dans le ciel et forment ainsi les nuages. Oui, mais pourquoi est-ce que les nuages pleurent ? Ah, mais ils ne pleurent pas vraiment. Non, ils ne sont pas tristes, ils pleurent de rire. En fait, quand le vent se met à souffler, les petites gouttes à l'intérieur des nuages se rassemblent, dansent et se collent les unes aux autres et deviennent alors de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes. Et alors, ne pouvant plus flotter ni voler, les gouttes d'eau finissent par tomber et c'est ce qu'on appelle la pluie. Ainsi, l'eau arrose la terre qui a besoin d'être mouillée pour que les plantes puissent pousser. Et s'il ne pleut pas assez, sais-tu ce qu'il se passe ? Non ? Eh bien, la terre finit par devenir de plus en plus aride et la sécheresse s'installe. Alors, les plantes n'ont plus assez d'eau pour pousser et les récoltes ne sont pas assez bonnes. Par exemple, s'il ne pleuvait plus, il pourrait ne plus y avoir de blé pour faire du pain. Tu ne pourrais plus manger des tartines au petit déjeuner et ta maman ne pourrait plus acheter de la farine pour te faire des délicieux gâteaux pour ton goûter. Tu comprends ? Ah oui ! Je commence à mieux comprendre pourquoi il pleut. Oui, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Cette pluie qui dure depuis une semaine, bon, on appelle ça une dépression. Et c'est vrai que ça peut être déprimant, car des fois, comme tu peux le constater, la météo influence notre humeur et nous pouvons ressentir à l'intérieur ce qui se passe à l'extérieur. Jeannette n'a pas l'air complètement convaincue. Alors, la fée des nuages moqueurs reprend le relais et tente une autre approche. Est-ce que tu as déjà pris l'avion ? Oui, une fois. Alors tu as dû voir que quand l'avion prend de l'altitude, il traverse parfois une couche nuageuse. Tu te souviens ? Ah oui, j'avais regardé par le hublot. On avait l'impression de traverser du coton. C'était très joli, tous ces gris, ces blancs. Alors ferme les yeux et imagine que tu es en avion. Tu fais comme si tu étais dans un film et avec ton imagination, tu fabriques des images. Tu refais la scène. Est-ce que tu comprends ? Ah oui, je me revois encore assise entre papa et maman quand nous sommes allés en Tunisie. Madame, monsieur, ce vol est non fumeur. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de... Alors imagine que tu regardes à nouveau par le hublot et que l'avion traverse le brouillard, puis les gros nuages blancs de coton. Et après un certain temps, l'avion arrive à passer au-delà de cette mer de nuages très épaisse. Est-ce que tu la vois ? Oui, oui. Et là, le spectacle est inouï. Tu découvres le ciel tout bleu et le soleil qui brille. Et en même temps, tu peux apercevoir en dessous la couche de nuages. Est-ce que tu vois maintenant que tu es au-dessus des nuages et que le bleu du ciel apparaît et que le soleil te sourit ? Ah oui, c'est comme si j'y étais. À partir d'aujourd'hui, tu sais que ce ciel gris n'est là que momentanément et qu'avec un peu d'imagination, tu peux retrouver la lumière du soleil que tu aimes tant. Ça te demande juste un petit effort, juste un peu d'imagination pour que le soleil brille de nouveau dans ton cœur. Et tu verras, tu ne seras plus triste. Et puis ma petite chérie, je te rappelle qu'après la pluie, vient toujours le beau temps. Et d'ailleurs, est-ce que tu connais le signe qui annonce que le soleil va revenir ? Oui, on le sait quand un arc-en-ciel apparaît au loin, comme par magie. Et tu sais ce qui se cache au pied de l'arc-en-ciel ? Non. Des trésors oubliés ! Mais ça, c'est une autre histoire. De nouveau, Jeannette sourit et regarde les nuages danser dans le ciel. À voir la mine réjouie de la petite fille, la fée des nuages moqueurs et la fée de la pluie qui chante réalisent qu'elles ont réussi leur mission, car Jeannette arrive à l'école toute guillerette. Ce matin-là, l'institutrice décide de commencer la classe en demandant à ses élèves s'ils ont déjà une petite idée du métier qu'ils feront quand ils seront grands. Chaque élève se met à réfléchir, mais une déjà lève le doigt pour répondre. « Je sais, moi, madame, » dit Jeannette. « Ah bon ? Quel métier veux-tu faire plus tard ?»« Madame, moi, je serai faiseuse de pluie. » L'institutrice est ébahie par tant de fantaisie et sourit. Les fées du temps qu'il fait, qui regardent la scène depuis leurs nuages, explosent de joie. « Waouh ! Youpi ! Paris réussi !» Elles entament alors leur ritournelle. « Toute la pluie tombe sur moi. » Bon, comme il faut dire qu'elle ne chante pas toujours juste, elle déclenche une nouvelle averse. À la récré, quelques gouttes d'eau tombent sur le bout du nez de Jeannette, qui demande alors immédiatement à l'institutrice de lui mettre son CD préféré « Toute la pluie tombe sur moi ». Et depuis, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, Jeannette accueille toujours avec le sourire les fées du temps qu'il fait, car elle connaît le rôle de chacune et sait désormais qu'après la pluie, vient toujours le beau temps. Et voilà, l'histoire est finie et maintenant, au lit. Ben alors, vous avez entendu ou pas ? Au lit. Allez, pote. Et ton doudou là ? Non.